personnellement, j'ai toujours essayé d'avoir des relations les plus cordiales possibles avec les Algériens, hein, en particulier ceux qui venaient travailler, sur la base. Mais même, même dans la rue, lorsque, chez un commerçant, là, j'essayais personnellement, je dis, hein, j'essayais d'avoir un comportement égalitaire, c'est pas toujours facile. Et par exemple, une autre anecdote, on m'appliquait à ne pas les tutoyer systématiquement, alors que ça se fait beaucoup dans les pays arabes.